meilleur que chaud. Moi, je ne sais pas, renseignez-moi. Car s'ils sont meilleurs chauds, moi qui les mange froid, je les réchaufferai la prochaine fois. On le sait pour le gigot, ou les escargots, ou les cuissons de veau. Mais dites-moi, dites-moi, est-ce que les artichauts froids sont meilleurs que chauds? Et chaud ou froid, dites-moi pourquoi. La première nuit des noces, on a une peur atroce. La petite mioche est là qui attend, ce qui sera moche ou très épatant. Elle dit quand on la serre, qu'est-ce que vous allez me faire pour pas qu'elle défaille? Donnez pas de détails, mais dites-lui quand elle tressaille. Que les artichauts froids sont meilleurs que chauds. Moi, je ne sais pas, renseignez-moi. Car s'ils sont meilleurs chauds, moi qui les mange froid, je les réchaufferai la prochaine fois. On le sait pour le gigot, ou les escargots, ou les cuissons de veau. Mais dites-moi, dites-moi, est-ce que les artichauts froids sont meilleurs que chauds? Et chaud ou froid, dites-moi pourquoi. Est-ce que les artichauts froids sont meilleurs que chauds? Moi, je ne sais pas, renseignez-moi. Jennifer, la brune corse, et Kylie Minogue, la blonde australienne, qui se débrouille d'ailleurs plutôt bien dans la langue de Molière, forment un duo inattendu. Elles sont associées au DJ Bob Sinclair, qui s'est occupé de la production de ce nouveau clip, de ce nouveau titre. On oublie le reste. Jennifer, Kylie Minogue. Les jours défilent et se ressemblent encore. En mode automatique, amour mécanique. Les histoires piles, s'empilent et se figent. On se perd dans la danse des sables mouvants. On répare nos vies en plastique. On penche, mais on connaît la musique. On sait ce que nos cœurs ont. Bilibi et la chanson de Pierre Cour et André Pop qui représentait la France au concours Eurovision de la chanson et c'était en 1960. Interprétée par Jacqueline Boyer, elle triomphait des 13 pays représentés et la France était très fière de cette deuxième victoire depuis la création de cette épreuve. Cocorico. À l'époque, on gagnait, n'est-ce pas? Et c'est une chanson modérément rythmée où la chanteuse parle de son amoureux et elle parle de tout ce qu'il possède. Alors, attention, il est riche. Deux châteaux, des navires. Oh, il parle de toutes les autres femmes qui auraient voulu être à lui avant de révéler qu'il n'a qu'un seul défaut. C'est un menteur. Rien de ce qu'elle avait dit à son sujet n'est vrai. Et pourtant, chante-t-elle, elle l'aime toujours. Tom Bilibi, Jacqueline Boyer. Tom Bilibi a deux châteaux, le premier en Écosse. Tom Bilibi a deux châteaux, l'autre au Monténégro. Il a aussi de grands vaisseaux qui vont au bout du monde chercher des or et des coraux et les plus beaux joyaux. Il a de la chance, Tom Bilibi. Et moi je pense que je suis son ami. Tom Bilibi a deux secrets, moi seule je les connais. La fille du roi lui sourit et l'attend dans sa chambre. La fille du roi lui sourit et la bergère aussi. Tom Bilibi n'a qu'un défaut, le mal n'est pas bien gros. Il est charmant, il a bon cœur, il est plein de vaillance. Il est charmant, il a bon cœur, mais il est si menteur. Ah, une chanson controversée maintenant. Boris Vian avait déclaré dans cette chanson « Oh, c'est un texte où le génie scintille à l'état pur. » Et d'autres diront « Cet immense succès de Dranem, clamé à tous les carrefours, est une surprenante idiotie. » Interprété par « Ah, je vous demanderai après. » À vous de vous faire une question. Ah, les petits pois. Depuis que notre monde est monde, on a fait des chansons immondes et dont les sujets sont idiots. Moi je viens de faire un chant nouveau, c'est spirituel et plein d'entrain. Du reste en voici le refrain. Oh les petits pois, les petits pois, les petits pois, c'est une légume très tendre. Oh les petits pois, les petits pois, les petits pois, ça ne se mange pas avec les doigts.

Speed Zazie. Depuis le temps que tu dors, ça fait des mois que tu hibernes, que tu sors pas de ta caverne. Mal léché, tu vibres encore, tu vibres encore. Allez debout, allez sors, je te sens battre au fond de moi. Mais pas si vieux. Non, t'es flambant vieux. Et tu speed encore. Oui, tu speed encore. Réveille-toi, fais pas le mort. L'univers ne s'arrête pas. Parce qu'on a plus. Stéphane Escher est un auteur, compositeur, interprète suisse. Il chante en français, en allemand, en suisse-allemand, en italien et en anglais. Et l'artiste rock a étoffé son univers musical. Il utilise des instruments de musique classique, certes, mais aussi parfois méconnus, tels le cymbalium, le cromorne, la vielle à roue ou la cornemuse, tout simplement. Après de nombreux albums, il sort en 2019 Homeless Song et la chanson suivante est tirée de cet album Monsieur Je ne sais pas trop, Stéphane Escher. Que faut-il pour trouver ma chère? Que faut-il... faut-il pour te satisfaire? Monsieur, je ne sais pas. Monsieur, je ne sais pas. Monsieur, je ne sais pas C'est ainsi que s'achève la cerise sur le canto numéro 35, consacré à la chanson française de tous les temps. Merci à Yves, merci à Kazé pour la réalisation technique et merci à vous les auditeurs de nous avoir écoutés. Vous trouverez le podcast de cette émission en vous rendant sur le site de Radio Fagette Nancy. Et puis la liste des chansons se trouvera sur la page Facebook de l'émission. À part ça, ben, la prochaine cerise sur le canto, ça devrait être dans 15 jours. Mais dimanche prochain, nous serons avec vous et nous espérons fidèles à Patchwork à l'écoute des musiques du monde. En attendant, soyez heureux et branchés sur Radio Fagette Nancy 94.2, c'est pour les Lorrains. Et sur le net radiofagette.net en ligne pour les autres Européens. Voilà, nous vous laissons en compagnie de Thierry pour son émission Discothèque Classique. Allez, au revoir.